Notre présence seule pourra aussi libérer les autres. Notre présence seule pourra aussi libérer les autres. Si on veut la victoire, faut qu'on y aille plus tôt. On avancera que si on leur pardonne. Le pardon. Ah, le pardon. C'est la mixtape rapée. La tristesse m'envahit, mes poils s'hérissent, je sens les larmes monter. Prisonnier de mes actes, remords et ennuis, je ne sais pas où commencer. Destin d'un gosse qui aurait pu ressortir sur le terrain, coûte que coûte de mon plein gré, mais en vain. Rien à foutre de finir en cire à grépin, car pour les miens, je prie avec le stylo que je tiens. Je perds mon temps quand je suis perdu, loin d'être perdant. Au contraire, deuxième, toujours partant. On est incertain de construire, certains conspirent, d'autres rêvent de la scène qu'on se tire. Ce monde se conflit, des libertés qu'on confisque, des fortunes déplacées pour baiser le fisc. Là, on pique ton peu de fric, tout en te montrant que pour réussir, faut des briques. Alors, flaire la bonne piste au bon fils. Ici, c'est rusé un maximum pour se faire plaisir un minimum. Pour peut-être toucher le summum. Et ouais, mam, j'suis juste un de ces salariés appliqués qui est loin d'avoir le salaire mérité. Bientôt, ils auront la réponse que trop de gens méditaient. Mais faudra pas me parler qu'il y a l'insécurité. Nico, sache que si tu ne suis pas la volonté du pop, pop, sop, le pop, ça vole et capote tes projets. J'ai bossé pour honorer la jeunesse qui sera toujours au top pour te boycotter. Ton image n'est plus cotée, tes idées et toi, même ton parti sont imbloqués sur le bas-côté. Ton image n'est plus cotée. Et toi, même ton parti sont imbloqués sur le bas côté. C'est comme ça que ça se termine. Si, si, la tristesse m'envahit.